بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبينفني à vous chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à vous sur votre radio Mirat al-Anbiya. Nous nous retrouvons autour d'un nouveau chapitre concernant les particularités et les fondements des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Des résumés pris dans certains rasa'il, certains épîtres, certains écrits de l'érudit Cheikh Rabi', Hafidhahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la santé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance, et qu'il le récompense avec le Firdaus al-A'la. Les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna ont des grands fondements sur lesquels est basée leur croyance. Et parmi ces grands fondements, le fait de croire en les six piliers de la foi, dont la preuve se trouve, beaucoup de preuves se trouvent concernant ces six piliers de la foi dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la Sunna du Prophète alayhi salatu wassalam, fait partie de ça le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril, c'est un hadith réputé. Et il découle de ses fondements, il y a des ramifications de ses fondements, d'autres fondements, et d'autres ramifications. Parmi les ramifications de la foi et des croyances, parmi comme le fait, le fondement, la foi en le jour dernier, il en découle aussi le fait de croire en le châtiment de la tombe, en les délices de la tombe, on la fitna de la tombe. Il en est de même le fait de croire en la résurrection. Il en découle du fait de croire au jour dernier. Il en découle le fait de croire en la résurrection, de croire que les comptes vont être faits à tout un chacun, de croire en la balance, de croire au pont Sirat, à l'intercession, et de croire aussi à la vision d'Allah, le fait de voir Allah Azza wa Jal, les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, et de croire au paradis ou en enfer. Et parmi les ramifications de la foi en Allah Azza wa Jal, c'est le fait de croire en qu'il existe, et de croire en sa souveraineté, sa rububiyya, de croire qu'il est le seul digne d'être adoré, de croire en ses noms et dans ses attributs. Et il y a des ramifications qui découlent du fait de croire en les attributs d'Allah. comme le fait de croire en le Coran et que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, que ce n'est pas une créature, qu'il n'a pas été créé, mais c'est la parole d'Allah. Comme le fait de croire à l'élévation d'Allah Azza wa Jalla au-dessus de toutes les créatures et au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire en la descente d'Allah Azza wa Jalla au ciel de la vie chaque tiers de la nuit, chaque dernier tiers de la nuit. Le fait aussi de croire en les attributs concernant l'essence d'Allah et à ses actes subhanahu wa ta'ala. Et toutes les choses, toutes les ramifications qui découlent de ces six piliers de la foi. Hein? Donc, et les gens de la Sunna croient en tout ça. En les fondements, en leurs ramifications et tout ce qui en découle. وفي بيان مجمل أصول أهل السنة العقدية يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في سياق رده لأباطيل محمد الغزالي المصري وبعد هذه اللفتة إلى آثار المنهج السلفي في هذا البلد وغيره من البلدان وجه الأسئلة الآتية L'éclaircissement général des fondements des gens de la Sunna en ce qui concerne leurs croyances, l'érudit Cheikh Rabih, Hafidhahullah, dans le contexte de sa réplique aux erreurs et aux faux de Muhammad al-Ghazali al-Misri, il dit: ces points sont pour attirer l'attention sur le bon impact de la voie salafiste sur ce pays, c'est-à-dire sur le pays d'Arabie Saoudite et sur d'autres pays. Après avoir attiré l'attention, je pose quelques questions. السؤال الأول أصحيح يا غزالي أن سلفية الشيوخ الأجلاء النبلاء سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. Et il pose la première question à Mohamed al-Ghazali al-Misri, l'Égyptien. La première question, il lui dit: est-ce que c'est vrai, ô Ghazali, que la salafia des nobles hommes de science est une prétendue salafia qui n'a connu de l'islam que ses épluchures et qui a oublié les fondements? يقول إن تعالم الإسلام يقول الشيخ ربيع إن تعالم الإسلام أعز لديهم وأجل عندهم من أن يكون فيها قشور فإنهم يعتقدون أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ ربيع de lui dire: les enseignements de l'islam pour les hommes de science, de ce pays, les enseignements de l'islam sont beaucoup plus importants. Ils sont au-dessus de tout. Et ils exemptent les enseignements de l'islam qu'ils épluchures, soit dans les enseignements de l'islam, car ils croient, ces hommes de science salafis croient que la meilleure des voies étant la voie de Muhammad alayhi salam. Donc pour eux, les enseignements de l'islam sont les choses les plus importantes, qui sont au-dessus de tout. Il n'y a pas cette mauvaise division qui est citée dans les paroles de Ghazali où il parle de Qushur, et de Jodour. Parle d'épluchures et de fondements. L'ayad al-billah. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: وعندهم من الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب كشعب الشجرة الطيبة المباركة. Et Cheikh Rabi' de continuer dans sa réplique de dire, et pour eux, c'est-à-dire pour les hommes de science salafi, la foi est composée de plus de 60 branches ou plus de 70 branches, et le sommet de ces branches ou de ces ramifications, la ilaha illallah, n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et le plus bas des ramifications étant le fait de enlever un mal sur la route, de débarrasser un mal qui est sur la route. Et ces ramifications sont comme les ramifications d'un bel arbre, d'un arbre béni. يقول وهم يدعون إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في دروسهم ومؤلفاتهم ومناهجهم في ميادين العقيدة كالإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل إيمانا معتمدا على فيض هائل من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة ومعتمدا على مقررات السلف الصالح. Il dit, hawidahullah, et avec ça, ils appellent au fait de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi salatu wassalam dans leurs livres, dans leurs cours, dans leurs voies concernant les croyances, comme le fait de croire en Allah, de croire en les sublimes noms d'Allah, les plus hauts attributs d'Allah Azza wa Jal, sans déformer le sens des attributs, sans faire des exemples à Allah Azza wa Jal, sans lui donner des similaires, et sans dépouiller le sens des attributs d'Allah. Et leur foi, il est basé sur les versets du Coran et sur le hadith les hadiths authentiques. Et ils s'appuient avec ça sur ce qui a été confirmé par les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. يقول ومعتمدا على مقررات السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى التي تضمنتها كتب التفسير الموثوق بها وبإمامة وجلالة مؤلفيها مثل تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري والإمام بمحمد حسين بن مسعود البغوي والإمام الحافظ إسماعيل بن كثير وعلى ما ضمنه أئمة الحديث كتبهم المشهورة المتداولة بين الأمة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها وعلى امتداد الزمان جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. Et il dit avec ça, il s'appuie, pour tout cela, il s'appuie sur le Coran, sur les versets du Coran, sur les hadiths authentiques, et en prenant comme base tout ce qui a été confirmé par les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, qui sont les compagnons, tabi'in, leurs successeurs, les imams de la guidance et de la voie authentique et de la science, en piochant dans les livres et en piochant ou en allant chercher dans les livres de l'interprétation du Coran, les livres dignes de l'interprétation qui ont été créés par des hommes dont l'imam a été reconnu comme l'interprétation du Coran de l'imam Mohammed ibn Jarir Tabari, l'interprétation du Coran de l'imam Abi Mohammed Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi et l'interprétation du Coran de l'imam, le mémorisateur Ismaïl ibn Kathir. Et ils vont chercher aussi dans ce qui est contenu dans l'héritage qui a été recueilli dans les livres du hadith réputé et qui existent au milieu de la communauté, ces livres qui ont leur réputation à l'est et à l'ouest du monde musulman depuis tout le temps, génération après génération jusqu'à nos jours. Donc, la base des gens de la Sunna, quand ils appellent le livre d'Allah Azza wa Jal et à l'authentique de la Sunna, que ce soit dans leurs cours, dans leurs écrits, dans leur croyance, dans la voie qu'ils ont pris dans leur croyance, tout ceci ne sort que du livre d'Allah, de l'authentique de la Sunna du Prophète alayhi salatu wasalam et de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim et à leur tête les nobles compagnons d'Allah alayhim. يقول ويؤمنون بالرسل جميعا وجهادهم في ذات الله وصبرهم على الأذى في سبيل تبليغ رسالاتهم. Il dit, حفظه الله, ils croient en tous les messagers عليهم الصلاة والسلام. Ils croient en le combat que les messagers ont fait pour Allah عز وجل. Ils croient en la patience et l'endurance qu'ont eu les prophètes عليهم, les messagers عليهم الصلاة والسلام pour transmettre le message d'Allah عز وجل. Pour transmettre le message que Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié. وَيُؤْمِنُونَ بِالْمَلَائِكَةِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا فِيهِ مِنْ تَفَاصِيلِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Et ils croient en les anges, ils croient en le jour dernier et tous les détails qui en découlent. La récompense, le châtiment, ils croient en le destin, bon et mauvais. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْحَاكِمِيَةَ لِلَّهِ وَحْدَهِ وَأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إِلَى السَّعَادَةِ فِي الْآخِرَةِ وَالسِّيَادَةِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا فِي طَاعَةِ هَذَا الرَّسُولِ وَاتِّبَاعِهِ وَحُبِّهِ. Il dit, عَبْدَ اللَّهِ, et ils croient que le jugement appartient à Allah Azza wa Jal uniquement et que il n'y a pas d'autre chemin pour le bonheur et pour la suprématie et pour les honneurs dans ce bas monde que dans le fait d'obéir au messager alayhi salatu wasalam, de le suivre et de l'aimer. يقول ويحافظون على الصلوات في أوقاتها ويؤدونها في بيوت أذن الله أن ترفع ويشيدون لأجل ذلك هذه البيوت. Il dit, Havidallah, il préserve les prières à leur heure, à leur, fixe, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé qu'on accomplisse cette prière. Et ils accomplissent cette prière dans des maisons, dans les maisons où on fait l'appel à la prière, c'est-à-dire dans les mosquées. Et ils construisent ces mosquées pour Allah, Azza wa Jal. Donc ils préservent leurs prières à l'heure et ils accomplissent leurs prières dans les mosquées et ils construisent les mosquées pour l'accomplissement de la prière. يقول ويؤدون الزكاة التي فرضها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويرون أن مانعها يستحق القتل والقتال. Il dit, ils s'acquittent de leur zakat, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire dans son livre, et par l'intermédiaire de son message, alayhi salatu wassalam, et ils voient que celui qui refuse de payer la zakat doit être combattu. Et bien sûr, celui qui va le combattre, c'est le gouverneur, qui prend cette décision. Et donc, il s'acquitte de la zakat que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire dans son livre et par l'intermédiaire de son messager alayhi salatu wasalam. Et il voit qu'il est que celui qui refuse de s'acquitter de la zakat et de la donner, il doit être combattu. وَيُؤَدُّونَ الصِّيَامِ ويحجون ويعتمرون ويرون وجوب الجهاد ولهم في هذا الوقت دور فعال في الجهاد الأفغاني بالنفس والمال إلى جانب دعم الدعوات الإسلامية في الماء في العالم. Et ils font aussi, ils jeûnent aussi pour Allah Azza wa Jal le mois de Ramadan, et ils font le pèlerinage, ils font les umrah, ils voient que le jihad est obligatoire. Mais bien sûr, avec ces conditions. Et en ce moment, ils ont un rôle important qu'ils jouent dans le combat et dans le jihad afghan. Ils jouent ce rôle important avec leur fortune, avec leur corps. Et à côté de tout cela, ils sont aux côtés à faire avancer et à soutenir toutes les da'awat musulmanes dans le monde. Bien sûr, cette réplique à la Razali s'est faite à l'époque du jihad afghan. Et c'est durant cette époque-là que on a commencé à sortir ce terme, le khoshour, les épluchures, et le jodour, et les fondements. L'ayadan billah. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويرون أنه لا بد في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحكمة. Il dit حفظه الله, ils ordonnent le bien, ils blâment le mal, ils appellent vers Allah, ils voient qu'il est obligatoire d'accomplir la da'wa vers Allah Azza wa Jal et d'ordonner le bien et de blâmer le mal, et ceci avec hikma, en mettant les choses à leur place. ويعظمون نصوص الكتاب والسنة تعظيما لا يلحقون فيه ويدعون إلى احترامها وتدبرها وتطبيقها ولا يرون فيها قشورا. Et avec ça, ils estiment comme il se doit. Ils donnent l'importance au livre et à la sunna. Ils l'estiment d'une façon qui n'a pas d'égal chez aucun autre groupe. Et ils appellent au fait d'estimer le livre et la sunna, de les respecter, de les méditer et de les appliquer. Ils ne voient pas qu'il y a des épluchures dans ce qui est contenu dans le livre et la sunna. Ceci, si tu veux encore plus de détails, va dans le grand recueil, dans l'ensemble des livres et des rasa'il du Cheikh, au 11e tome, à la page 324 jusqu'à 325, tu trouveras aussi d'autres détails. وقال الشيخ حفظه الله في سياق رده وتفنيده لضلالات عبد العزيز القارئ المدافع عن الصوفية. لا تخلط بين قضايا الفروع والأصول. فهناك أصول من التزمها فهو من أهل السنة ولو انتمى إلى أحد المذاهب الأربعة فهو من أهل السنة، ومن خالفها فهو من أهل تلك الأصول المخالفة المبتدعة. وقد ذكر هذه الأصول أئمة الإسلام في كتب العقائد، فمن خالفها بدعوه، ومن التزمها وتبت عليها اعتبروه من أهل السنة. Et Cheikh continue de dire dans sa réplique à Abdelaziz al-Qari, qui est un défenseur des soufis, et pour anéantir ses ambiguïtés et ses égarements, il lui a dit ceci: ne mélange pas entre les sujets, entre les fondements et les ramifications. Il y a certains fondements, il y a des fondements. Celui qui se cramponne à ses fondements, il fait partie des gens de la sunna. Même s'il fait, il est adepte d'une école de jurisprudence parmi les quatre écoles de jurisprudence. Il fait partie des gens de la sunna. Et celui qui est en divergence avec ses fondements, il fait partie des gens qui sont en divergence avec la sunna, il fait partie des innovateurs. Et il dit, Habidallah, les imams de l'islam ont cité ces fondements dans les livres des croyances. Celui qui est en divergence avec ces fondements, ils le prennent et ils le rendent innovateur. Celui qui se cramponne à ses fondements et qui reste ferme dessus, ils le considèrent faisant partie des gens de la sunna. Donc partant de là, tu vois bien, frère en Allah Azza wa Jal et sur Allah Azza wa Jal, qu'il faut bien que tu fasses la différence entre les fondements et les ramifications. Parce que les fondements, si quelqu'un Et ton divergence avec les fondements, il n'y a pas de doute. C'est, il est tombé dans l'innovation. Hein? Et il va rentrer dans le groupe des innovateurs. Et que, il ne faut pas être comme certains qui croient que celui-là, s'il est le fait d'être adepte d'une école de jurisprudence, khlas, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Abadan. Hein? Même si la personne, il est malikite, ou il est hanbalite, ou il est shafi'i, ou il est hanafi, ben, s'il est conforme au fondement des gens de la sunna, ben, c'est un sunni. Hein? Et il fait partie des gens de la sunna. Mais une fois qu'il va, hein, qu'il va être en divergence avec un des fondements, comme c'est arrivé à Al-Khawarij et autres, ben il va sortir du domaine de la sunna, des domaines des gens de la sunna. يقول حفظه الله من هذه الأصول التوحيد بأنواعه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فمن خالف في واحد من هذه الأنواع بدعوه وقد خالفت الجهمية فعطلوا في باب الأسماء والصفات فعطلوا أسماء الله وصفاته فبدعهم السلف بل كفروهم وتابعهم في نوع التعطيل في هذا الباب المعتزلة فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء دون معانيها. Il dit حفظه الله fait partie de ses fondements. Le monothéisme dans ces trois parties. Le monothéisme de la souveraineté ou de la seigneurie. Le monothéisme de l'adoration, l'ulouhia, ou le monothéisme des noms et des attributs. Celui qui est en divergence dans l'un de ces monothéismes, ben, Salaf le prennent comme innovateur. Comme le Jahmiya ont été en divergence en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils ont dépouillé les noms et les attributs de leur sens, ils les ont vidés de leur sens. Les pieux prédisseurs les ont rendus innovateurs, plus que ça, ils les ont rendus mécréants. Les Mu'tazila ont suivi le Jahmiya dans une forme de dépouillement des sens. Ainsi, ils ont dépouillé certains attributs d'Allah, ils ont confirmé certains noms d'Allah, Azza wa Jal, sans leur sens. C'est-à-dire, le nom, il n'a aucune signification. Ils l'ont complètement dépouillé de leur sens. وتابع الأشعرية والكلابية الجهمية في تعطيل الصفات الخبرية فجعلهم السلف من أصناف الجهمية وشاركت الصوفية هذه الفرق في تعطيل الصفات وأوغلت في ذلك حتى وقعت في الحلول ووحدة الوجود من زمن الحلاج إلا أفرادا منهم وانحرفت في توحيد الربوبية فاعتقدت في الأولياء بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون إيه لزشعريت الأشعريان سيك الكلابية الجهمية ont dépouillé les attributs الصفات الخبرية et سلف les a considérés comme une catégorie des jahmites. Les salafs, ils ont considéré comme une catégorie des jahmites. Les soufis se sont associés à tous ces groupes dont le dépouillement des sens des attributs d'Allah. Et les soufis ont en plus jusqu'à tel point que ça les a enfoncés au fait de croire qu'Allah peut rentrer dans un mur, qu'Allah pour entrer dans la personne, il est, ça les a amenés à l'huloul, et en même temps, à croire en l'unicité de l'existence. Le huloul, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, rentre dans une chose. Et l'ouhdat wujud, c'est, l'unicité de l'existence. Allah et la créature, c'est la même chose. Et ceci depuis l'époque d'Al Hallaj, sauf certains individus parmi eux. Et donc, ils ont divié aussi au niveau du monothéisme. Les soufis ont divié aussi au niveau du monothéisme de la seigneurie. Ils ont cru en l'awliya, ils ont cru que l'awliya, les vertueux, salihoun, qu'ils connaissent l'invisible et qu'ils gèrent ce monde. Hein? Et Cheikh Hafidhahullah, il dit que certains soufis peuvent être sur les mêmes croyances que les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna sur en ce qui concerne les noms et les attributs. Ils existent. Je veux dire, il y a certains individus parmi eux qui existent. Mais à côté de ça, ils ont des grandes catastrophes. Le hulul, le wahdat al-wujud et ainsi de suite. يقول حفظه الله وانحرفت الصوفية في توحيد العبادة فجعلوا مع الله أندادا في الدعاء والاستغاثة في الشدة بالأموات والأحياء وفي تقديم القرابين لغير الله من الذبائح والنذور وشذ الرحال إلى القبور والطواف بها وتشييد البنيان عليها وغير ذلك من الأفعال الشنيعة التي يأنف منها ويسخر منها اليهود والنصارى والهندوك. Il dit, حفظه الله, et les soufis ont dévié en ce qui concerne le monothéisme de l'adoration. Ils ont pris des divinités, des associations, ils ont mis des divinités, des fausses divinités comme à pied d'égalité avec Allah. En leur vouant le dua, en les implorant, en cherchant au secours auprès d'eux, dans les moments difficiles, et en cherchant secours auprès des morts et des vivants, en leur demandant ce qu'ils ne peuvent pas, et en égorgeant des offrandes pour autre qu'Allah, et en faisant des vœux pour autre qu'Allah parmi les morts et les vivants, et en voyageant pour les visites des sanctuaires et des tombes de saints, et en faisant du tawaf, en tournant aussi autour de ces tombes, et en construisant, en embellissant ces tombes, et ainsi de suite. Ainsi de suite, parmi un certain nombre d'actes horribles, même les juifs et les chrétiens et les hindous se moquent de ce genre d'actes. Et se moquent, et en plus de ça, ils s'élèvent, ils ne tombent pas dans ce genre d'actes. Ils ont des actes pires, mais celle-là, a dit cher, c'est cette situation dans laquelle sont tombés les soufis est encore plus grave. يقول وذهب الى ما شئت من البلدان غير هذه البلاد لترى فيها هذه الشنائع والمخازي مثل الهند وباكستان والسودان ومصر وتركيا وسوريا والعراق وبخارى ثم احكم على الطرق الصوفية التي تفعل هذه الافاعيل بما يستحقون هل هم من اهل السنة أو من شرار الضلال وأهل البدع الواقعين في الشرك الأكبر والضلال البعيد. إلي حفظه الله. إيفا. Il parle toujours à Sir Abdel Aziz Al-Qari. Va. Tourne autour. Va. Voir dans d'autres pays que ce pays. Pour que tu vois les horreurs qu'accomplissent les soufis. Va en Inde. Va au Pakistan. Va au Soudan. Va en Égypte. En Turquie, en Syrie, en Irak, à Bukhara, et après une fois que tu auras vu toutes ces horreurs qui sont accomplies par ces soufis, à ce moment-là, juge-les comme ils le méritent. Et dis, est-ce qu'ils font partie des gens de la Sunna ou alors ils font partie des pires égarés et des pires gens de l'innovation? Hein? Est-ce qu'ils font partie des gens de la Sunna ou des gens qui sont tombés dans l'associationnisme le plus grand des associationnismes et l'égarement le plus clair. يقول الشيخ نحن لا نكفرهم لجهلهم إلا بعد إقامة الحجة أما التبديع وإخراجهم عن دائرة أهل السنة فلا يتقاعس عنه إلا أجهل الناس بالإسلام وأبعدهم عن السنة. Il dit, Hafidhahullah, nous ne les rompons pas mécréants. On ne les rompons pas mécréants de par leur ignorance, jusqu'à ce que la preuve soit accomplie. Jusqu'à ce que la preuve leur soit accomplie. Quant au fait de les sortir des gens de la sunna et de les prendre comme des innovateurs, ceux-ci ne s'abstiennent de le faire que la personne qui ignore l'islam, qui ne connaît rien de l'islam, qui est loin de la sunna. يقول حفظه الله الأصل الثاني الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. خالف فيه المعتزلة القدرية منهج أهل السنة والجماعة وأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته واعتقدوا أن العباد يخلقون أفعالهم ولا دخل لمشيئة الله وإرادته وقدرته في ذلك فظل لهم أهل السنة وبدعوهم وبعضهم يكفرهم وبينوا ذلك بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلهم الجبرية فعطلوا قدرات العباد واختيارهم ومشيئتهم وقالوا إن العباد مجبورون على أفعالهم لا قدرة لهم ولا مشيئة ولا اختيار فهم كالريشة والأشجار تحركهم الرياح بدون إرادة ومشيئة ووقع الصوفية في هذا الضلال فلا شك أنهم مبتدعة ضلال بهذه العقيدة الخبيثة التي تهدد الشريعة الإسلامية وتعطل النصوص الأمر والنهي والوعد والوعيد. Et donc ici, Cheikh, il est en train de nous montrer. Il a commencé avec ce premier fondement et le deuxième fondement pour nous montrer certains groupes qui ont dévié dans ces fondements. Et tu vois, quand il a parlé des sophies et les fondements dans lesquels ils ont dévié, il a dit que on ne les rompt pas mécréants de par leur ignorance jusqu'à accomplir la preuve. Contrairement à ce que prétendent certaines personnes, que les salafis rendent mécréants. L'iyadan billah. Et là, il nous ramène à un deuxième fondement qui est le fait de croire en le destin bon et mauvais pour nous montrer les groupes qui se sont égarés à ce niveau-là et qui font plus partie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et le deuxième fondement, le fait de croire en le destin bon et mauvais. Dans ce fondement, les mu'tazilites qadaristes se sont ont divergé de la voie et se sont éloignés de la voie des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et ainsi, ils ont sorti de la capacité d'Allah et du vouloir d'Allah Azza wa Jal les actes des serviteurs. Et ils ont cru que c'est les serviteurs qui créent leurs actes et que le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun rapport avec les actes des gens, ainsi que sa capacité et sa puissance. L'iyadan billah. Et les gens de la sunna les ont pris comme égarés et les ont rendus innovateurs. Certains les ont rendus mécréants. Ils ont montré, ils ont prouvé tout ça à partir du livre et de la sunna. Ils ont prouvé l'égarement des mu'tazilites qadaristes. Ils ont prouvé leur égarement et leur mécréance à partir du livre et de la sunna. A fait face à ce groupe les jabrites. Et les jabrites ont anéanti, ont annulé les capacités des serviteurs et le choix des serviteurs et la volonté et le vouloir des serviteurs. Et ils ont dit, les serviteurs sont obligés de faire les actes qu'ils accomplissent. Ils n'ont aucun choix. Ils n'ont aucun vouloir. Ils n'ont aucune capacité. Ils sont comme la plume hein, qui a été jeté au vent, qu'il a fait bouger comme il veut. Ils sont sans volonté, sans vouloir, et ainsi de suite. Et les sophies des chers sont tombés dans cet égarement. Et il n'y a aucun doute que ce sont des innovateurs égarés avec cette aqida impure, avec ces croyances impures, ces croyances qui détruisent la législation musulmane et qui dépouillent, hein, le sens des textes, et qui dépouillent le sens des textes dans lesquels il y a l'ordre et l'interdiction, et qui dépouillent le sens des textes de la promesse et de l'avertissement. Al-Asr al-Thalith. دل القرآن والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان وخالفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة والمرجئة فقالت الخوارج الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن مرتكب الكبيرة المصر عليها يخرج من الإيمان وحكم الخوارج بكفره واستحلال دمه وماله وحكموا عليه بالخلود في النار وأخرجه المعتزلة من دائرة الإيمان ولم يدخلوه في الكفر بل جعلوه في منزلة بين المنزلتين ثم حكموا عليه بأنه من المخلدين في النار. Et voici un troisième fondement, hein, dans lequel certains groupes ont dévié aussi. Troisième fondement qui est prouvé par le Coran, par la Sunna, et le fait de croire, que la foi, c'est des paroles, ce sont des actes, c'est des croyances, et la foi augmente avec l'obéissance, diminue avec la désobéissance, et que celui qui accomplit, hein, les péchés capitaux, les grands péchés, ne sort pas de la foi, hein, il reste toujours croyant, hein, et ceci, c'est les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Quant aux Khawarij, ainsi qu'al Mu'tazila, ainsi qu'al Murji'a, ben ils ont divergé sur ce point. Les Khawarij ont dit, la foi, c'est des paroles, c'est des actes, c'est des croyances. Mais celui qui persiste dans les péchés capitaux, ils l'ont sorti de la foi, ils l'ont rendu mécréant. Et ils ont rendu son sang licite, donc ils peuvent le tuer aux mains, ainsi que sa fortune. Et ils ont émis la sentence comme quoi il est éternellement au feu de l'enfer. Les Mu'tazila l'ont sorti du domaine de la foi, mais ils ne l'ont pas rentré dans le domaine de la mécréance. Mais ils ont fait qu'il est dans une situation entre deux situations. Et après, pour sa sentence, ils ont émis la sentence comme quoi il est éternellement au feu de l'enfer. Et tout ceci, c'est une divergence avec la voie du plus prédisseur d'Allah Alim et avec leurs croyances. وقابلهم المرجئة فأخرجوا العمل من الإيمان فقال بعضهم إن الإيمان هو المعرفة فقط أو التصديق فقط وقالت معها مرجئة الفقهاء إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب والعمل ليس من الإيمان وأنكر السلف هذه الأقوال الشنيعة وبدعوا أهلها ودخلت الصوفية في الإرجاء. المرجئة في فاس المعتزلة يا الخوارج. Ils ont sorti les actes de la foi. Certains morgéa, certaines catégories de morgé, disent que la foi, c'est tout simplement la connaissance ou alors le fait de prendre comme véridique. Morgéa al-Fuqaha ont dit, les morgéa parmi les jurisconsultes ont dit, la foi, c'est des paroles avec la langue, c'est de prendre comme véridique dans le cœur et les actes ne font pas partie de la foi. Salaf ont rejeté toutes ces paroles. Toutes ces horribles paroles, Salaf les ont rejetées. Et ils ont pris comme innovateurs ceux qui croient en ces paroles. Sophia sont rentrés dans l'Irja. الأصل الرابع أن القرآن كلام الله، وكفر السلف من قال إن القرآن مخلوق، وبدعوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو توقف فقال القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. وقالت الأشاعرة إن كلام الله هو الكلام النفسي، والقرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وتابعهم الصوفية في ذلك. Le quatrième fondement, c'est que le Coran, chez les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Les salaf ont rendu mécréants ceux qui disent que le Coran est une créature. Et ils ont rendu innovateurs ceux qui disent les mots que je prononce en récitant le Coran sont une créature. Et salaf ont pris aussi comme innovateurs ceux qui disent le Coran c'est la parole d'Allah. Ils rajoutent rien. Ils ne disent ni créé, ni il n'est pas créé. Ben, salaf, ils ont pris comme innovateurs aussi. L'Asha'ira ont dit la parole d'Allah c'est le discours intérieur. Et le Coran que nous avons entre nos mains est une créature. Et Sophia les ont suivis dans ça. Hein? Tu vois un petit peu les fondements dans lesquels les divergences avec des fondements dans lesquels sont tombés, que ce soit les Sophis, que ce soit l'Asha'ira, que ce soit le Khawarij et autres. Hein? Et tout ceci les sort du domaine des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. L'aslul khamis دل الكتاب والسنة وإجماع للسنة على مكانة الصحابة ومنزلتهم عند الله، ولقد أثنى الله عليهم وزكاهم، وكذلك أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وبين أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لأنهم آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان وحازوا قصب الصبق في العمل بأوامر الله واجتناب نواهيه، وجاهدوا لإعلاء كلمة الله بأموالهم وأنفسهم، وهذا الله على أيديهم أمما وشعوبا إلى آخر فضائلهم التي لم يسبقهم غير الأنبياء سابق ولا يلحقهم لاحق، فمن أبغضهم أو سبهم فهو ضال، وبغضه لهم من علامات نفاقه ومن كفرهم، ومن كفرهم فهو الكافر. Voici un autre, le cinquième fondement cité ici, dans lequel certains sont tombés en divergence, et donc ils ne font pas partie des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Le livre d'Allah, ainsi que l'authentique de la Sunna, ainsi que le consensus des gens de la Sunna, prouvent la place des nobles compagnons d'Allah alim chez Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a élogé les nobles compagnons. Il en est de même. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi les a élogés aussi. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé sur le fait que le fait de d'aimer les compagnons fait partie de la foi. Et le fait de le détester, ça fait partie de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Allah et en son messager comme il se doit. Et parce que, au niveau des œuvres, ils ont accompli des œuvres que personne ne peut arriver aux œuvres qu'ils ont accomplies. Ils se sont, ils ont devancé tout le monde, à part les prophètes, alayhi salam, dans le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et ils ont combattu pour que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit la plus haute, avec leur fortune, avec leur corps, et Allah subhanahu wa ta'ala, par leur intermédiaire, a guidé beaucoup de communautés, beaucoup de peuples et beaucoup de tribus. Ceci, et ne les a devancés dans ce chemin que les prophètes alayhim salatu wassalam. Personne ne pourra les rattraper. Donc celui qui les déteste, celui qui les insulte, c'est un égaré. Et le fait qu'il les déteste, cela prouve, ça fait partie des signes de son hypocrisie. Et celui qui les rend mécréants, c'est lui le mécréant. يقول حفظه الله هذه لمحة موجزة ولا مجال لاستيفاء أصول أهل السنة التي من خالف فيها أو في بعضها حكموا عليه بالبدعة وأخرجوه من دائرة أهل السنة، ولو انتمى إلى أهل الحديث أو إلى المذاهب الأربعة وغيرها. ولا شك أن للصوفية نصيبا وافرا من البدع، ولا يغني عنهم شيئا تسترهم بالمذاهب الأربعة. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ça c'est un résumé, hein, de certains fondements des gens de la Sunna. Et que celui qui est en divergence avec ses fondements, ou avec une partie de ses fondements, un de ses fondements, bah les gens de la Sunna, la sentence pour lui chez les gens de la Sunna, c'est qu'il est dans l'innovation. Ils le sortent du domaine des gens de la Sunna. Même s'il fait partie des gens du Hadith, même s'il fait partie d'une école de jurisprudence parmi les quatre écoles, et il dit autre. Et il dit, il n'y a aucun doute que les Sophis ont une grande part de ces innovations. Et ça leur servira à rien le fait de se cacher derrière les quatre écoles de jurisprudence. Donc, à partir de là, médite, frère Allah Azzawajal, ses fondements, et médite aussi la situation de ceux qui se tournent autour de toi, pour que tu comprennes, hein, dans quel milieu tu évolues, et qui sont les gens de ton entourage, qui sont ceux qui sont conformes aux fondements et aux particularités des gens de la Sunna et ceux qui ne le sont pas. Wa qala hafidhahullah, kullu man yasduqu alayhi l'iltizam bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa manhaj as-salaf as-salih aqidatan wa shari'atan wa ibadatan fa innana na'ni ha'ula'i bi hadhihi al-kalima al-firqa an-najiya idha qulna fihim innahum ahlu al-hadith fahum kadhalik li'annahum yata'abbaduna Allah bil hadith fi 'aqa'idihim wa fi 'ibadatihim في الوقت الذي يرفض فيه أهل البدع اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بصفات الله أو تعلق بأمر من الأمور الغيبية كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان وما شاكل ذلك، أو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، أو خروج المسيح الدجال، أو ما شاكل ذلك، يردون نصوص السنة بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، فلا تصلح لأن يبنى عليها الاعتقاد لا فيما يتعلق بالله ولا فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي أشرنا إليها. إلى ذي حفظه الله تعالى tout un chacun qui est conforme et duquel on peut dire que celui-là il est cramponné au livre et à la sunna et la voix du plus prédisseur d'Allah alim au niveau de la aqida, au niveau des adorations, au niveau de la législation, elle dit c'est cela qu'on désigne avec cette parole le groupe sauvé, c'est-à-dire tout un chacun, hein, qui véridiquement se cramponne au livre et à la sunna et à la voix du plus prédisseur d'Allah alim, que ce soit au niveau des croyances, au niveau de la législation, au niveau des adorations, à tous les niveaux, ceux-là, ils sont concernés. Ils sont désignés par ce terme, le groupe sauvé, là où ils se trouvent. Il dit, si on dit que ce sont les gens du hadith, ils sont ainsi, car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec le hadith, dans leurs croyances et dans leurs adorations. Alors que, au même temps, il y a des gens qui refusent, parmi les gens de l'innovation, qui refusent de croire ce qui est prouvé par les hadiths du messager, alayhi salatu wassalam. Que ce soit ce qui est prouvé par les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'ils soient en rapport avec les attributs d'Allah, ou qu'ils soient en rapport avec les choses de l'invisible, comme le châtiment de la tombe, comme la fitna de la tombe, comme le pont Sirat, comme les balances qui vont être dressées le jour de la résurrection, et tout ces choses qui sont similaires, qui font partie de l'invisible. Ou comme la descente de Isa alayhi salam, ou le fait que le Messie Dajjal va sortir, hein, ils rejettent ce texte, ils rejettent ce genre de texte parce que par prétextant que ce sont des hadiths qui sont des hadiths ahad. Et je vous rappelle le terme hadith ahad, c'est tout hadith dont chaque étape de la chaîne de transmission n'arrive pas au nombre de 10. Et donc eux, ils le remettent de côté. Et pour eux, que ces hadiths, il n'y a que du supposition dedans, ou la et que le hadith ahad, c'est pas une science sûre. C'est pas une science sûre sur laquelle on va baser les croyances en ce qui concerne Allah, en ce qui concerne l'invisible et en ce qui concerne toutes les choses qui ont été citées. Ainsi les innovateurs ils font. Quant aux gens du hadith, peu importe du moment que le hadith est authentique, qu'il soit ahad ou qu'il soit mutawatir, peu importe pour eux, ils le mettent en application parce qu'il est authentique. Les innovateurs, non. Ils basent pas leurs actes sur leurs croyances sur le hadith al-ahad comme ils prétendent. فأهل السنة يخالفون هذه الفرق الضالة في هذه القضايا ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه سواء في ميدان العبادة أو في ميدان العقيدة أو في الأمور الغيبية أو في أشراط الساعة أو ما شاكل ذلك. Et les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna sont en divergence avec ces groupes égarés à tous les niveaux. Et les gens de la Sunna croient en tout ce qui est authentique de notre messager alayhi salatu salam, et tout ce qui est confirmé de notre messager alayhi salatu salam, ils y croient qu'il concerne les adorations, qu'il concerne les croyances, qu'il concerne les choses de l'invisible, qu'il concerne les signes de la fin des temps ou autres. Ils y croient. Et la base de tous ces fondements et la fondation principale de tous ces fondements chez les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et désavouer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. أصل جميع هذه الأصول وأساسها عند السنة والجماعة وتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة مع البراءة من كل معبود سواه. وفي بيان ذلك يقول الشيخ ربيع حفظه الله: التوحيد هو أصل الأصول. وإذا كان للناس أصول وأصول الأصول يدورون عليها حولها فإن أصل الأصول عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعند سادة هذه الأمة من الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان إن أصل الأصول عندهم هو التوحيد. الأصل عندنا هو هذا الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعليه تدور كل العبادات، فالعبادات إنما هي تأكيد لهذا الأصل. Et donc il dit, Hafidhahullah, pour nous donner des éclaircissements sur la fondation principale de tout ça, qui est le monothéisme de l'adoration, il dit, le monothéisme, c'est la base des bases, et c'est la fondation principale. Il dit, si les gens ont des fondements autour duquel ils tournent, la base des fondements chez les prophètes, alayhi salatu wassalam, et c'est les nobles de cette communauté qui sont les compagnons, et ceux qui les ont suivis à la perfection et qui les suivent à la perfection, leur base principale, c'est le monothéisme. Il dit, Habibullah, la base principale pour nous, c'est ce fondement qui a été transmis, qui a été ramené par tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, et autour duquel qui est le pivot de toutes les adorations. Toutes les adorations ne sont que la confirmation de ce fondement qui est tawhid. Il fait partie aussi des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, ces salafis. Fait partie de leurs fondements, de leur particularité, c'est que pour apprendre quelque chose, ils l'apprennent directement du livre et de la Sunna et de ce qui est du consensus. Pour ramener la preuve sur quelque chose, il la ramène directement de la preuve du livre et de la sunna et du consensus. Donc, les gens de la sunna et les salafis, leur point de départ et leur base de départ au niveau des croyances, au niveau de leur voix, au niveau de leurs adorations, à tous les niveaux, dans tous les niveaux de la vie, et dans tous les nobles fondements de cette religion, leur base, c'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna et le consensus des plus prédécesseurs d'Allah alayhim. Les gens de la sunna et les salafis ne sortent pas, ne s'éloignent pas du livre et de la sunna et de la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhim et du consensus du pieux prédisseur d'Allah alayhim à tous les niveaux, dans toutes les situations et à tous les niveaux, contrairement aux gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Car l'emblème des gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, leur emblème et leur signe, c'est de s'éloigner du livre et de la sunna, et de se séparer du livre et de la sunna et du consensus. Et pour nous confirmer ce fondement salafi, l'imam, l'érudit, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dit ceci: أما أهل الحديث وأهل السنة والجماعة فمرجعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي بيانه وما كان عليه السلف الصالح الذين ما كانوا ينطقون في عقائدهم وعباداتهم ومناهجهم وفي سائر شؤون حياتهم إلا من كتاب الله. Et donc pour nous confirmer ce fondement salafi, Cheikh Rabi' nous dit ceci: les gens du hadith, les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, leur source, c'est le livre d'Allah, la sunna du messager alayhi salam, qui est l'éclaircissement et le détaillement du livre d'Allah et la voie sur laquelle étaient les pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Ces pieux prédisseurs d'Allah alayhim, dans le point de départ au niveau de leur, dans leurs adorations, de leur voix, de leur croyance et dans tous les aspects de leur vie, leur source c'est le livre d'Allah. Et la sunna du messager alayhi sallam qui est son éclaircissement et la voix du pieux prédisseur d'Allah alayhim. قال حفظه الله فأصل أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين المعبر عنه بالإجماع فدينهم مبني على هذه الأصول. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Le fondement des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est le fait de se cramponner au livre et à la sunna et de suivre la voie des croyants, celle qu'on interprète par le consensus. Donc il dit leur religion, il est basé sur ces fondements. C'est-à-dire le livre, la sunna, le consensus ou la voix des croyants, c'est-à-dire la voix du plus prédisseur d'Allah alayhim, celui qu'on désigne par le terme consensus, unanimité. يقول عقائدهم وعباداتهم وأحكامهم الحلال والحرام والمعاملات وسائر شؤون الحياة. Il dit leurs croyances ainsi que leurs adorations ainsi que leurs lois ainsi que les choses licites ou qu'ils ne le sont pas dans leur commerce à tous les niveaux. Donc la base c'est le livre, la sunna et le consensus ou ce qu'on appelle aussi l'unanimité. وقال الشيخ ربيع حفظه الله مجيبا على سؤال هذا نصه هل قول أئمة وعلماء السلف رحمهم الله في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟ فأجاب: إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت من باب الإجماعات قامت فهي حجة، فما أجمعوا عليه في العقائد والعبادات والمعاملات فهو حجة من أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع. Et il a dit, Hafidhahullah, répondant à une question. Une question qui dit ceci. Les paroles des imams et des hommes de science, parmi les pieux prédécesseurs d'Allah Alim, qui font partie des trois générations qui ont été élogées par le messager alayhi salatu wasalam par Allah, est-ce que leur parole et leur opinion est une preuve en soi? Et il a répondu, les paroles des imams, des salafs, qui font partie des générations qui ont été élogées, qui ont été élogées par Allah et par son messager alayhi salatu wasalam, si leur parole et leur position fait partie du consensus, donc, c'est une preuve. Du point sur lequel ils sont unanimes, que ce soit dans les croyances, dans les adorations, dans le commerce ou dans, à tous les niveaux, du moment qu'ils sont unanimes dessus, c'est une preuve. Et il fait partie des fondements des gens de la sunna. Le livre, la sunna et le consensus. Donc ceci est clair, walhamdulillah. وقال حفظه الله إذا كانت المسألة مختلفا فيها نتحاكم إلى الكتاب والسنة وإذا أجمعوا فلا مخرج لنا من إجماعهم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهذا من أدلة الإجماع ومن أدلة على هذا على ومن الأدلة على أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن وصولها للسنة الكتاب والسنة والإجماع إيه الذي حفظه الله la suite de la réponse de cette question. Ici le sujet est un sujet dans lequel ils ont divergé notre jugement. Pour sortir de cette divergence, on revient vers le livre et la sunna. Si salaf, ils étaient unanimes, on ne peut pas faire autrement que de prendre l'unanimité pour sur laquelle était salaf. S'ils sont en divergence, on ramène le sujet sur lequel ils étaient en divergence vers le livre et la sunna. Il a cité le verset qui prouve que l'ijma est une preuve irréfutable. Dans le verset dans Sourate An-Nisa, dont la traduction approximative nous dit ceci. Celui qui fait scission avec le messager, après avoir reçu les éclaircissements et les preuves, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Voici le consensus ici. Un autre chemin que le chemin des croyants. Nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché l'alliance, et sa demeure sera le feu de l'enfer. Et il dit, Hafidhahullah, ça c'est une des preuves du consensus. Et il dit aussi, ça c'est une preuve qu'en quoi cette communauté ne se réunit pas sur l'égarement. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est pour ça que les fondements des gens de la sunna, c'est le livre, la sunna et le consensus. وانطلاقا من هذا الأصل السلفي أنكر العلامة ربيع المدخلي حفظه الله وشنع كغيره من أهل السنة على أهل البدع الذين لا يعولون على هذه الأصول العظيمة في عقائدهم ومناهجهم ويتبعون في ذلك عقولهم وأهواءهم مخالفين بذلك منهج السلف. Et partant de ce point, de ce fondement salafi, Cheikh Rabi a répliqué et a rejeté et a répliqué avec force comme d'autres imams de la sunna et d'autres hommes de science de la sunna, ils ont répliqué aux gens de l'innovation qui ne donnent pas l'importance et dont le point de départ ne sont pas ces nobles fondements et ces géants fondements qui sont le livre, la sunna et le consensus. Et ainsi, ils sont en divergence avec la voie du pieux prédécesseur d'Allah Ali. Parce que leur base n'est ni le livre, ni la sunna, ni le consensus. فقال حفظه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه الفرق من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية لا يرجعون إلى الكتاب والسنة وإنما يرجعون إلى اللغة وإلى كلام الأدباء وإلى كلام الفلاسفة والمتكلمين وما شاكل ذلك. وأما أهل الحديث وأهل السنة والجماعة فمرجعهم كتاب الله وسنة رسوله التي هي بيانه وما كان عليه السلف الصالح. أما هؤلاء فيرجعون إلى العقل ويرجعون إلى الفلاسفة والمتكلمين والأدباء المنحلين وما شاكل ذلك. Il dit, hafidahullah, Cheikh l'Islam a dit que ces groupes, que ce soit le Khawarij, le Mu'tazila, le Murji'a, le Qadariya, ne reviennent pas vers le livre et la Sunna. Mais ils reviennent vers la langue arabe, vers les paroles des littéraires. Regardez comment la nuit d'hier, la soirée d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui. La parole des littéraires a dit Cheikh l'Islam, le Taymiyyah. Et ici, les Qutbi, les Sorori, les takfiris du monde moderne reviennent vers les paroles de Qisayd Qutb, un des littéraires du monde moderne. Et donc, il dit, ces groupes ne reviennent pas vers le livre d'Allah ni la sunna du prophète, il revient vers la langue, vers la parole des littéraires, vers la parole des philosophes, vers la parole des spéculateurs au niveau de la parole et autres. Il dit, quant aux gens du hadith et aux gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, leur source et leur base de départ, c'est le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salatu wasalam, qui est l'éclaircissement du livre d'Allah et aussi la voie sur laquelle étaient les pieux prédisseurs d'Allah alayhi. Donc leur base, le livre d'Allah, l'authentique de la sunna et le consensus qui est la voie sur laquelle étaient les pieux prédisseurs d'Allah alayhi. Il dit, quant à cela, c'est-à-dire à tous ces groupes égarés qu'il a cités, il revient vers la raison, il revient vers les philosophes, il revient vers les spéculateurs au niveau de la parole, vers les littéraires, et ainsi de suite. Et on arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Sallallahu al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, Yasma al-Husna, qui fasse que nous profitions de ce que nous avons entendu, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de notre cher Cheikh Rabih dans son obéissance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense avec le Firdaus A'la. Demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir, et de guérir notre père et notre cheikh, Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, et d'allonger sa vie dans son obéissance, et de leur octroyer à tous les deux et à tous les hommes de science de cette communauté, le Firdaus A'la. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا